actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, Inter, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1960, quatrième émission. On a pu entendre, lors d'une précédente émission, les chansonniers du grenier de Montmartre dresser le bilan, en couplet et en sketch, de l'année écoulée. On peut supposer qu'au début de cette même année, 1960, d'autres humoristes avaient salué, à leur manière, la naissance de la décennie. On peut le supposer et l'on peut le constater en découvrant José Arthur, Claude Pieplus, Jacques Morel et Georges Carmier dans des variations sur le marronnier que constitue l'exercice Les Vœux de début d'année. C'était le 10 janvier 1960 sur France 1 Paris Inter dans l'émission Dimanche dans un fauteuil. J'ai le plus grand plaisir à vous présenter mes vœux. Si, vrai de vrai. Mes bons, mes sincères, mes excellents vœux. 2 semaines de retard, ce n'est pas un drame. Le drame pour moi, c'est de les présenter. Et surtout par correspondance. Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Sabin, vous qui avez une jolie écriture. Oui ? Vous pourriez m'indiquer quelques formules de vœux ? Rapidement, j'en connais des tas, mais c'est pour varier. Les bons ? Oui, c'est commun, ça. Oui, mais vous avez des nuances. De bons à très, très bons. Oui. Vous avez aussi les sincères, oui. Il faut, ça toujours. Et puis les excellents. Oui, évidemment, de très très bons vœux, sincèrement excellents, ça en rachète seulement l'originalité. Mais c'est pour qui? Bah, un peu tout. Des amis, des vrais amis? Bon, les vrais amis, mon vieux, je téléphone. Oh, c'est cavalier. Oh, cavalier, vous êtes bon, vous. Moi, je déplais 5 au téléphone, hein. Allô, c'est toi, salut, les miens. Tiens, voilà Peluche. Pour les vœux, qu'est-ce que tu mets, toi, Peluche? Ah, oh, c'est personnel. Mon Dieu, à quoi tu joues, alors? J'ai un truc. Eh ben parfait, je t'écoute. Une formule au poil. C'est pas trop long. Oh, une rigolade. Un apéro. Quoi? Je la cède pas à moi, ma formule. Oh ben, elle est raide, celle-là. Ah, on prend ou on laisse, je force pas la main. Bon, eh ben alors d'accord, allez, un apéro. Sabin, auriez-vous l'obligeance de nous laisser seuls? À moins que... Ah, ça c'est formidable. Nous vivons un siècle. Mais votre formule, vous pouvez vous la fourrer au... Alors, j'écoute. Avec des olives. Non, mais dis-toi, tu trafiques, tu marchandes, tu me dégoûtes. Ah, là. Je suis l'auteur, j'ai droit à des bon, droits. Bon, bah, apéro et olives. Madame, oui. Monsieur, oui. Ou madame et monsieur, oui. Ou ce qui est mieux, monsieur et madame, oui. Ou mademoiselle, ou chère madame, cher monsieur. Mais tu te fous de moi, dis, tu te fous de moi. Je vais pas en écrire 2 pages pour m'éviter 3 lignes, non? La formule, et puis c'est tout. Ah, Gouin, mon vieux, tu as tort. Ouais. Le raffinement commence au premier délier et s'observe jusqu'au dernier plein. À ton aise. Note. Oui. Je me permets de vous renouveler. Mes vœux de l'an passé, si. Dont j'espère qu'ils vous ont été favorables. Favorable. Évidemment, les veuves, les cocus, les faillites, pas question de renouveler. Oui, veuve, voilà. Faillite, je comprends, mais les autres, on peut pas savoir. Ah, la formule dit « j'espère qu'ils vous ont été favorables ». Ah, oui. Prudence de style. Pour les gros malheurs connus, oui. J'ai une autre formule. Ah. Les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre, oh, non, t'en as beaucoup comme ah ça. Ah non, mais je couvre toutes les nécessités. Oui, et ça revient... À... Un bon déjeuner, sauf le dessert, j'ai rien trouvé pour le dessert, je me le paie, tant pis. Oh, bah alors marchons, mais je veux tout le paquet. Parfait. Ah. Les gros malheurs connus, et tu notes, oui. Je prends la liberté et de multiplier mes vœux de l'an passé, dont j'espère qu'ils vous seront De mon côté, je n'avais pas chômé. Je ne pouvais pas demeurer indéfiniment dans le couloir, à la merci d'une patrouille de la hiérarchie. Aussi m'étais-je réfugié aux toilettes, où je ne tardais pas à recevoir la visite de mon vieux copain, l'huissier, qui venait changer l'essuie-main. Bonjour, monsieur Savin. Je vous en souhaite une bonne, comme on dit. Merci. À vous de même, pour tout le monde, l'argent... Oh, la santé, surtout. Ah, la santé. Tant qu'il y a la santé, on se plaindra pas. Et pour vos gamins aussi, et pour votre dame et vos amis. Et puis moi, je dis, aux ennemis aussi, il faut leur souhaiter que l'année soit bonne. C'est vrai, ça. Le coup d'être méchant, quelquefois, c'est seulement le coup d'être malheureux. Alors, qu'ils soient heureux. Ça leur passera la méchanceté. Hein. Les vœux, c'est une bonne chose. Ça. Ah, les gens devraient y penser en même temps qu'ils les présentent. Hein. Eh bien, moi, je vous souhaite d'aller bien, monsieur Sabin. Et en le souhaitant, j'y pense. Hein. Je sais ce que je dis. Il est formidable, huissier. D'un côté, il a un bras. De l'autre, seulement une manche. Il gagne... je n'ose même pas le dire. Et c'est quand même un brave homme. Un brave homme embêté. C'est d'écrire que j'en sors pas. Oh, il y a bien ma patte, bien sûr, mais c'est surtout que je sais pas quoi écrire. Pour que ce soit court et que ce soit bien et que j'ai pas l'air de m'en débarrasser de mes vœux. Hein. Vous voyez pas une façon de... Non, parce que vous savez, c'est tellement spécial. Pourtant... Ah. Il m'était venu une idée. Je la lui livrais tout bonnement, il était ravi. Et je revins à mon bureau, Peluche y sévissait encore. Je peux entrer dans mon bureau, oui? Rien à payer? Oh, non. Soyez beau joueur, Sabin. Il est fortiche, vous savez. Oh, là, je suis paré pour une éternité, moi, avec ces formules. Sauf l'originalité. Oui, ça, l'originalité, zéro, Peluche. Quand j'aurai trouvé la formule originale, ce sera le dessert. Faut pas être gourmand. Original? Non, mais ça doit se trouver, ça. Par exemple, mes meilleurs vœux durs. Ou mes meilleurs vœux coques. Mes meilleurs vœux... Oh, c'est marrant, ça. Je note, là. Nous notons mes grands vœux roux dans mon étable. Mes grands vœux... Littéraire. Mes vœux 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 6, 7. Mes vœux de société. Mes bons vœux de carte. Mes vœux d'esturgeon. Ça, c'est le côté caviar de la chose. Etc. Sans possibilité. Les vœux de Bengale. Les vœux de cheminée. Les vœux de la vieille. Arrêtez-moi, je peux plus vous suivre. Oh, bah t'as bonne mine, Peluche. Oui, c'est gentil, un peu guignol. Moi, je fais dans le sérieux. Oui, comme les chats dans la sciure. Pardon? Non, je fais le guignol, là. Non, sans conséquence. Mais vous savez, pour ce qui est du sérieux, je me défends assez bien aussi, hein. Tiens, sans rancune, mon vieux, je vous donne le tuyau, un bon truc. Je me permets de vous renouveler mes vœux de l'an passé en espérant qu'ils vous assureront une année merveilleuse. C'est pas chouette, ça? Et pour ceux dont l'année ne fut pas excellente, je me permets de multiplier mes vœux de l'année qui vient de s'écouler. Oui. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte, pour subsister je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. On croit parfois que les étudiants, d'une certaine manière, ne sont nés, en ce qui concerne la décennie des années 60, qu'en 1968. Erreur, ils existaient bien avant. Ils ne contestaient pas, c'est tout. Mais ils avaient, comme tout le monde, leurs problèmes, des problèmes d'argent parfois. Une édition spéciale en témoignait le 21 novembre de cette fameuse année 1960. Édition spéciale. Une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Une tête et deux bras, une enquête de Philippe Bernier. Et 21. A. Gare. Enf. 3H. P. Jour. Serre. Ec. Journal 14203. 3. Étude. CH. PL. HOT. Restore. Montagne. 15, DEC, 10, Jean. Traduction. Traduction de ce langage sibyllin. Étudiant 21 ans, garderait enfant 3 heures par jour, sérieux, écrire journal 14203. Trois étudiants cherchent place, hôtellerie, restauration, montagne, du 15 décembre au 10 janvier. Voilà le genre d'annonce que vous pouvez lire tous les matins dans votre quotidien. Ce genre d'annonce peut apporter, si vous y répondez d'une façon favorable, une possibilité nouvelle à un étudiant, à une étudiante, une possibilité de poursuivre leurs études, leurs cours, de trouver les moyens de gagner leur vie tout en continuant de travailler. Nous avons essayé d'explorer un peu ce domaine du travail, des loisirs laborieux, des étudiants, avec les intéressés et avec ceux de leurs aînés qui cherchent à leur donner quelques conseils. Mais avant, nous avons demandé à un étudiant de venir ici, dans ce studio, nous parler de ses vacances, de la façon dont il les a employées, quelque part dans une ferme, dans le centre de la France, je crois. Si vous le voulez, nous allons planter le décor ensemble et revenir 3 mois en arrière pendant les vacances de cet été. Bien, ce chien qui nous a accueillis au seuil de la ferme, Raoul Moreau, c'est bien votre nom ? Oui. Ce chien nous a appris que vous étiez là cet été et pendant 2 mois ou 2 mois et demi vous deux, avez... deux mois et demi. Je suis resté 2 mois et demi à la campagne, à la ferme. Alors pourquoi étiez-vous parti là-bas ? Eh bien, je suis parti là-bas parce que, comme beaucoup d'étudiants, j'avais besoin de m'oxygéner un petit peu, c'est pas la vie citadine, j'en avais assez. Alors. Je me suis retiré à la campagne pendant 2 mois et demi, quoi, seul. C'est uniquement pour jouer les Jean-Jacques Rousseau ou bien... Non, pas du tout. C'est un besoin physique, vous savez. Quelle est votre situation de famille ? Eh bien, je suis fils unique. Je suis fils unique de parents moyennement aisés. Mon père travaille aux contributions. Est-ce que vos parents avaient les moyens de vous payer des vacances? Eh bien, pour être sincère, non. Non, mes parents dépensent énormément d'argent pour moi en tant qu'étudiant, n'est-ce pas? Et alors, j'avais décidé de ne plus être tributaire de la bourse familiale afin de les aider un petit peu, de leur permettre de passer les vacances tranquilles. Alors, quelles possibilités s'offraient à vous pour passer ces vacances? Eh bien, il s'offrait plusieurs possibilités. D'abord, je pouvais aller sur la Côte d'Azur avec un groupe de camarades. J'avais quelques petites économies, trop modestes à mon avis, mais enfin, les copains me disaient, t'en fais pas, on se débrouillera, on fera les vendanges, etc. Système les vendanges, le système ça. D. Oui. Le système D. Ça me plaisait pas du tout. Moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire les vendanges. Ce que je voulais, c'est être un peu seul, un peu libéré de cette ambiance de Paris, des copains, et puis vivre un peu par moi-même. Alors, vous avez choisi d'aller... Raoul Moreau, dans une ferme du centre de la France. Quelle oui, je suis allé dans le Lot. J'ai choisi Lot, c'est une région que je ne connaissais pas, j'avais envie de connaître le Lot. C'est une région pauvre, on y a besoin de main-d'œuvre saisonnière? Non, ce n'est pas une région pauvre, c'est une région au contraire qui est très riche, on y cultive le tabac. Surtout le tabac, j'ai travaillé dans une ferme et alors j'ai fait la rentrée du tabac, j'ai aidé au menu besoin de la ferme, quoi, en tout. Et puis j'ai surtout rentré le tabac. Vous viviez avec les fermiers? Oui, je vivais vous avec mangez les... avec eux? Exactement comme eux. On prenait notre petit déjeuner du matin, on mangeait beaucoup. On faisait 4 repas par jour. Et vous avez gagné combien? Eh bien, j'ai dépensé un petit peu d'argent quand même, n'est-ce pas? Mais enfin, j'ai gagné. J'ai fait une petite économie de 30 000 francs. Quel endroit était-ce? J'étais à Pressac, pas loin de Cahors. 19 ans, une tête et deux bras. Ils sont presque 1 million qui ainsi cherchent parmi nous à s'employer pour pouvoir continuer leurs travaux, leurs recherches, leurs études. En dehors des avantages matériels immédiats qu'ils attendent de ce surcroît d'efforts, d'un effort physique d'ailleurs le plus souvent, ils acquièrent une expérience complémentaire, une virtualité nouvelle. Un jour, ils seront médecins, ingénieurs, professeurs. Ils se rappelleront qu'ils ont été ouvriers agricoles, garçons d'ascenseur, coursiers ou vendeurs. En un mot, ils mettent leurs bras au service de leur intelligence. Vous avez entendu? Une tête et deux bras, une enquête de Philippe Bernier. Passer des vacances laborieuses à la ferme, c'est bien. Traverser l'Afrique avec son animal de compagnie, une passion dans le désert, c'est bien aussi. Surtout lorsque l'on peut témoigner de son expérience, soir après soir, au profit des auditeurs de la radiodiffusion nationale, tout en lançant quelques piques à la perfide Albion. Au micro de France 1 Paris Inter, Jacques Florin. Nous avons été fort inquiets au sujet de Jean Dorjex. Ceux qui suivent son voyage tous les soirs en Afrique se souviennent qu'il y a quelques jours, Dorjex est ensablé et 60 fois de suite avec son camion. Étant seul à bord, bien qu'il ait avec lui sa panthère Zuma, mais enfin qu'il n'y ait pas d'une très grande utilité, vous vous imaginez dans quel état de fatigue se trouvait notre ami. Ce soir, je vous parle de mon lit. Non pas par paresse, mais parce que je ne l'ai pas quitté depuis 24 heures. Je suis parti de Zinder avant-hier matin, et 150 km plus loin, j'arrive à la frontière de la Nigeria. Papier, douane, tout va bien, je vais repartir. Quand un douanier, drapé, nu, dans un grand morceau d'étoffe, regarde avec méfiance les coffres qui entourent le châssis de mon camion et me demande de les ouvrir. Il trouve, en plus de mes affaires personnelles, des caisses remplies de boîtes de conserve. Comme je vais rester 5 mois en pleine brousse, j'ai évidemment de grosses provisions que je compléterai d'ailleurs à Bangui. Une cantine où se trouvent environ 200 cartouches de calibre varié, et là, je commence à être inquiet. Il me regarde avec le soupçon qu'il n'a pas affaire à un vrai touriste, mais à quelques trafiquants en expédition. Il commence à sortir crayons, papier. Là, je deviens de plus en plus inquiet. J'ai parfaitement le droit, traversant la Nigeria en transit, d'avoir toutes ces affaires, mais le droit et un petit poste de douane en brousse, ça ne fait pas toujours un. Et surtout, je peux perdre une demi-journée de palabres, de discussions. Pour tout arranger, nos Anglais, à lui comme à moi, sont approximatifs, mais plutôt en sens contraire, alors allez vous expliquer ainsi. J'essaie bien de lui faire comprendre que je suis guide de chasse, que c'est pour ces expéditions que j'ai ce matériel. Guide de chasse, il ne comprend pas. Je lui dis le terme anglais, white hunter, traduction intégrale, chasseur blanc, il ne comprend toujours pas. Je réalise évidemment que ce terme de white hunter, de chasseur blanc, doit être spécifiquement employé par les anglo-saxons. Quelle différence pour un Africain qu'un chasseur soit blanc ou noir? Enfin, un trait de génie, c'est le moins. Je lui demande « Safari, do you understand safari ?»« Yes, yes, ça, safari, il connaît. » Alors, je l'emmène devant mon camion, sur la cabine duquel il y a écrit « Les safaris Jean d'Orgex ». Là, je suis sauvé, safari, le mot-clé, du coup, les vivres, les munitions, il en comprend la cause, goodbye, shake hand, je m'en vais, tout va bien, qui finit bien. La Nigeria, je vous en parlerai peu, d'abord parce que la traversée va très vite. Toute la route est goudronnée, alors griserie de la vitesse, mais adieu vagabondage. Voyez-vous, je soumets respectueusement à monsieur le ministre des Travaux Publics une suggestion qui me paraît sage. Que le goudron recouvrant toutes les routes de France soit ôté, et les routes étant ainsi rendues à leur nature première, c'est-à-dire la terre, seraient vite recouvertes de tôles ondulées, de trous, d'ornières, etc. Premier avantage, les touristes mettant beaucoup plus de temps à traverser notre pays. Avantage certain pour l'hôtellerie. Accroissement des ventes du marché automobile en raison de la casse qui en résulterait pour les véhicules. Et enfin et surtout, grâce à la difficulté des routes, les touristes auraient la joie de découvrir ces 1000 coins adorables de la terre de France, près desquels aujourd'hui ils passent un œil rivé sur la route, l'autre sur le compteur de vitesse, pour parvenir plus vite à une destination, destination à laquelle, quand ils sont parvenus, ils ne savent plus la plupart du temps que faire. Mais le Nigeria, pas plus que la France, ne comprend ma politique routière, alors je roule, vite, sur un goudron uni. Soudain, des coups de poing sur le toit de la cabine, j'arrête. C'est un jeune garçon provenant du Niger et qui, à la frontière, m'a demandé de l'emmener à Kano. J'ai accepté, heureusement, car il avait frappé pour me rappeler qu'ici, on roule à gauche. Il était temps, j'avais complètement oublié que les Anglais avaient importé leurs mauvaises habitudes ici, et le premier croisement avec un camion où chacun fort de son bon droit aurait voulu passer du même côté aurait pu avoir des conséquences fâcheuses. Merci, keep left, comme disent les Anglais, en route. Et puisque nous parlons des Anglais, j'anticipe un peu car ce soir, il y aura de la brume. Régulièrement d'ailleurs, en Nigeria, j'ai trouvé de la brume. Et je trouve cela extraordinaire. Je savais que les Anglais se promenaient dans le vaste monde avec une balle de cricket dans une poche et un paquet de graines à gazon dans l'autre, mais du brouillard en boîte, ça, j'ignorais. J'aimerais trouver un vieux du pays pour savoir si la brume existait avant l'arrivée des Anglais. Car dans le cas contraire, c'est donc bien qu'ils ont importé, fait l'élevage et répandu de la brume dans la contrée. Ou alors, si elle existait déjà, cela prouverait que les matelots anglais, longeant la côte africaine et voyant soudain un pays couvert de brouillard, ont bondi sur la rive au cri de « Fog, nous voilà !» et c'est pour cette raison que le Nigeria fut britannique. Je vous ai dit que je roule vite. Je n'ai d'ailleurs pas très envie de m'arrêter. Le paysage n'est pas beau. Ce pourrait être le décor de pas mal de contrées européennes. Rien de typiquement africain, à part quelques baobabs par-ci, par-là. Les baobabs sont des arbres, en général pas très hauts, mais dont le tronc mesure 2, 3, 4 mètres de diamètre, quelquefois même plus. Un tronc, des branches absolument torturées, comme si un rhumatisme articulaire avait tordu ses membres qui semblent implorer un soulagement de leur souffrance. Négligeant leurs implorations, je roule toujours, mais j'ai très chaud. Il fait chaud, évidemment, en pleine journée, le soleil à cette latitude devient violent. Cependant, j'ai anormalement chaud. De plus, j'ai comme un étau qui commence à me serrer le crâne. Pas de doute, c'est un coup de fièvre. Mon étape va me mener jusqu'à Potiskum, petite ville de Nigeria, à mi-chemin entre Kano, la capitale, et la frontière de l'Est. Potiskum, où se trouve un charmant rest house, à l'anglaise, c'est-à-dire des bungalows chambres très confortables, et une salle commune faisant restaurant. Je ne goûterai pas aux joies, qui sont immenses, comme chacun sait, de la cuisine à l'anglaise, car j'ai trop de fièvre. À peine arrivé, sans avoir le courage de passer sous la douche froide, je m'enroule dans de grosses couvertures. Au réveil ce matin, ça ne va pas mieux. De plus, j'ai mal à la gorge. Eh oui. Si vous avez cru à la traditionnelle crise de paludisme, aux fièvres tropicales ou autres maladies aux parfums exotiques, vous étiez dans l'erreur. Non, c'est un très simple et très banal début de grippe. Peut-être un peu augmenté par la fatigue du voyage. Alors ce matin, la fièvre étant toujours là, je prends une décision énergique, celle de rester au lit. Et d'ailleurs, cela fait parfaitement l'affaire de Zuma. Oui, je ne vous ai pas dit que Zuma et moi, nous sommes légèrement en froid. À vrai dire, je la comprends. Elle commence à trouver le voyage dans sa caisse un peu long. Je suis pourtant obligé, pendant la route, de la laisser dans sa caisse, J'ai bien essayé à un moment, j'ai essayé de la laisser se promener dans le camion. Mais tout de suite, sa place préférée a été le dessus de la cabine. Mais elle ne comprend pas qu'au premier coup de frein ou à un chaos violent et inopiné, comme elle n'a aucune aspérité pour se retenir, elle passerait immanquablement sous les roues. Alors, va pour la caisse. Mais évidemment, elle ne comprend pas la cause de ses déplacements quotidiens. Aussi, à mon réveil, au lieu de se promener, de se distraire, elle reste couchée d'habitude sans me quitter de l'œil. Et dès que je suis prêt, que je lui dis « Allez Zuma, il faut partir », elle se met à gronder de mécontentement. J'ai d'ailleurs enregistré quelques-uns des grondements de protestation de Zuma. Voici comment on dit « J'en ai assez des voyages » en langage panthère. Comment es-tu dans ta caisse? Si bien que ça? Oh, elle vient elle-même jusqu'au camion, elle saute toute seule dessus, va s'installer dans sa caisse, mais tout cela en protestant et en marquant nettement sa désapprobation. Donc ce matin, elle a attendu longtemps en pensant que nous allions encore partir, et quand elle a été rassurée en comprenant que nous restions ici, son caractère a tout de suite changé, elle s'est mise à aller, venir dans la pièce, sauter sur le lit, en redescendre, enfin, faire tout ce qu'il faut faire pour le repos d'un malade. Voilà. Journée de farniente cet après-midi. Plutôt cet après-midi, je me suis soigné. Je vais vous dire que j'ai une horreur instinctive pour tout ce qui est médicaments, drogues, etc. Je trouve donc que j'étais très loin dans mon action pharmaceutique. J'ai pris 2 aspirines, 1 tasse de thé très chaud et 4 couvertures par-dessus pour transpirer. Résultat, 2 heures après, les draps trempés, bon à changer, mais frais, dispo, plus de fièvre. Donc, départ fixé à demain matin. Une nouvelle inquiétante cependant. Il paraîtrait, je dis bien il paraîtrait, car vous savez les bruits de la piste doivent toujours être accueillis avec méfiance, il paraîtrait que les eaux du lac Tchad n'ayant pas suffisamment baissé, la piste directe de Fort-Lamy serait coupée, et dans ce cas évidemment ça m'obligerait à un détour d'environ 300 km par le Cameroun. Plus tard, le boy m'a dit que seuls les gros camions n'avaient pas le droit de passer. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, nous verrons bien. Et demain matin, Zuma et moi, nous repartons vers le Tchad avec ou sans une bifurcation par le Cameroun. Eh bien, nous retrouverons demain soir, à la même heure, Jean Dorjex. C'était le 15 décembre 1960 sur Paris Inter. Revenons quelques jours en arrière, nous sommes précisément le 3 décembre 1960. C'est aussi la douce saison des prix littéraires. Prix dramatique, littéraire, vous dis-je, enfin mettons-nous d'accord. Le féminin à Madame Louise Belloc pour La Porte retombée. Et devant cette porte retombée, une belle colère s'élève, celle de Madame Béatrix Beck, qui ne lit pas de cette oreille-là. De rechef, elle quitte le jury féminin. Pourquoi ? Parce que le prix a été décerné à Louise Belloc, dont le livre, à mon avis, est très mauvais. Il est truffé de fautes de français. C'est un livre bavard et sans qualité. Et comme comble, il contient des propos gravement antisémites. Baliverne, l'auteur en reste sans voix et quand elle la retrouve... Elle a eu tort et je suis désolée qu'elle ait pu croire ça. Je n'y comprends rien, c'est ça. Voilà. Madame Dominique Rollin non plus ne comprend rien à l'attitude de Béatrix Beck. Elle la juge... Tout à fait déplacée. Je suis tout à fait contre elle, contre sa décision. Et d'ailleurs, si elle veut donner de la publicité au soi-disant scandale qu'elle veut mettre en branle, je suis toute prête, moi, à prendre le contre-pied, à publier tous les articles possibles pour rectifier les choses. Entre dames, n'est-ce pas ? Mais le Médicis va à Monsieur Henri Thomas, et là, pas d'histoire, sinon celle de son héros, John Perkins, ce qui est somme toute très normal. Non, le drame couve ailleurs, il mijote autour de la place Gaillon et de son célèbre restaurant. C'est qu'on vient d'y servir un Goncourt millésimé, et 1960. Une bonne année, oh, ne m'en parlez pas. La rumeur publique murmure, elle s'enfle, puis elle accuse cette rumeur publique. Elle accuse documents à l'appui. Monsieur Oria a un passé de pro-nazi et d'antisémite. Décidément, c'est une mode. Accusé, levez-vous. Enfin, venez au téléphone. Je n'ai jamais fait de politique proprement dite. Je n'ai pas appartenu à la garde de fer. Mon roman, qui raconte l'exil du poète Ovide à Tom, n'a rien à voir avec toutes ces affabulations politiques. Votre condamnation en 1946 a été prononcée par quel tribunal ? Je crois que ma déclaration est complète. Ah bon, très bien. Et dites-moi, est-ce que lundi prochain, vous vous rendrez au restaurant Drouan pour recevoir officiellement le prix Goncourt de la part des académiciens ? Mais évidemment. Perplexité du jury. Monsieur Gérard Boer, est-ce qu'il va falloir tout effacer ? Oui, donné, il est donné. Ce qui peut être mis en cause ne le sera que par lui-même. C'est le cas où il ne voudrait pas de ce prix pour ne pas gêner la France, l'Académie Goncourt. C'est le cas où... où il se réfugie dans son travail, où on n'entend plus parler de lui, etc. Vous comprenez ? Monsieur Oria comprend si bien qu'il renonce. Et maintenant, suspense jusqu'à lundi. Lundi, chez Drouan, de nouveau, les Goncourt décideront. Ils sont seuls maîtres à bord. Réponse deux jours plus tard, par la voix de Jacqueline Baudrier. Eh bien, nous revenons en France pour vous donner des nouvelles du troisième et dernier grand lundi littéraire de la saison. D'abord, on se posait une question, on se demandait comment allait se terminer le suspense du Goncourt. Vous allez le savoir tout de suite, Jean Bouvier se trouvait en effet chez Drouan et il a enregistré M. Philippe Heria qui lisait le communiqué qui met fin à cette affaire Goncourt. Au cours de l'Assemblée Générale, le Président a donné lecture d'une lettre de M. Vintila Oria, lauréat de 1960, déclarant renoncer au prix Goncourt dans une volonté d'apaisement. Dans la même volonté d'apaisement, et cette renonciation étant intervenue entre le vote préparatoire et la déclaration officielle du lauréat, l'Académie Goncourt décide à l'unanimité de ne pas décerner de prix en 1960. Cette année 1960, nous n'aurons pas de lauréat pour le prix Goncourt. En revanche, comme 3 ans plus tôt et comme 4 ans plus tard, mais là, le lauréat le refusera, nous obtenons, en 1960, nous, la France, un prix Nobel de littérature, Saint John Perse. Saint John Perse, qui s'exprime, après la cérémonie solennelle de remise de son prix, le 10 décembre 1960, à Stockholm. Allô Paris, ici Stockholm. Voici le discours in extenso prononcé le samedi 10 décembre 1960 par le lauréat du prix Nobel de littérature de l'année, le poète Saint John Perse, lors du dîner de gala offert dans la salle d'or de l'hôtel de ville après la cérémonie solennelle de remise des prix. Le prix Nobel de littérature, Saint John Perse. Sire, j'ai accepté pour la poésie l'hommage qui lui est ici rendu et que j'ai hâte de lui restituer. La poésie n'est pas souvent à l'honneur. C'est que la dissociation semble s'accroître entre l'œuvre poétique et l'activité d'une société soumise aux servitudes matérielles. Et car accepté, non recherché par le poète, et qui serait le même pour le savant, sans les applications pratiques de la science. Mais du savant comme du poète, c'est la pensée désintéressée que l'on entend honorer ici. Qu'ici, du moins, ils ne soient plus considérés comme des frères ennemis. Car l'interrogation est la même qu'ils tiennent sur un même abîme, et seul leur mode d'investigation diffère. Quand on mesure le drame de la science moderne, découvrant jusque dans l'absolu mathématique ses limites rationnelles, quand on voit en physique deux grandes doctrines maîtresses posées, l'une un principe général de relativité et d'indéterminisme qui limiterait à jamais l'exactitude même des mesures physiques, quand on a entendu le plus grand novateur scientifique de ce siècle, initiateur de la cosmologie moderne, et répondant de la plus vaste synthèse intellectuelle en termes d'équations, invoquer l'intuition au secours de la raison et proclamer que l'imagination est le vrai terrain de germination scientifique, allant même jusqu'à réclamer pour le savant le bénéfice d'une véritable vision artistique. N'est-on pas en droit de tenir l'instrument poétique pour aussi légitime que l'instrument logique? Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord poétique au sens propre du mot, et dans l'équivalence des formes sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce initialement pour l'entreprise du savant et pour celle du poète. De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus loin et de plus loin? Et de cette nuit originelle où tâtonnent deux aveugles nés, l'un équipé de l'outillage scientifique, l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc plutôt remonte et plus chargé de brèves phosphorescences? La réponse n'importe, le mystère est commun. Et la grande aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertures dramatiques de la science moderne. De bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant, griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent, et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. D'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que les filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leurs bonnets oranges tous les visages d'anges des enfants du Pirée. 1960 se termine. Visiblement, si l'on peut dire, les journalistes de la radio-télévision française ont envie de s'amuser quelque peu. Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Ce soir, À votre bon cœur, une émission de Tommy Franklin et Jacques Février. Et oui, voici Noël. Noël dans le monde, Noël en France, et pour nous, Noël à Paris. Noël, joie des enfants et des grands, qu'ils soient riches ou pauvres. Pauvres. Noël des pauvres. Les pauvres du monde et de Paris. Noël des mendiants et des clochards de la capitale. Et au fait, le cœur des Parisiens est-il plus ouvert, plus chaud au moment de la nativité? C'est ce que Jacques Février et moi avons voulu savoir en nous assimilant aux cloches et aux mendigos. Donc Jacques, nous nous sommes travestis en miséreux. Moi j'avais une veste en velours déchiré, une casquette en velours idem, à visière crasseuse. Mon maquillage était, je le pense, un chef-d'œuvre de saleté. Et mes chaussures ignobles et sans lacets, quant à vous? Ben j'étais itou, j'étais cradoc et barbouzeux, un vieux bitos enfoncé sur le caberlot, un culbutant rapiécé et frangé dans le bas, les pompes en gueulant le pavé, des chaussettes russes comme il se doit, en bandoulière une bâche retenue par deux ficelles, dans cette bâche aurait pu se trouver mon pyjama, on ne sait jamais, j'étais tellement attirant, et puis bien entendu la musette rapiécée où avait pris place l'inévitable cul de rouquin. Moi aussi j'avais mon litron, or nous avons ramassé peu d'argent. 650 francs en 3 heures que nous avons versé immédiatement d'ailleurs dans la marmite de l'armée du salut. Et cependant, nous faisions vrai. Personne ne nous a reconnus, ni notre confrère Maurice Ferraud, ni la femme de notre camarade Jacques Carion qui, elle, vous a donné 100 francs. Alors d'après vous, pourquoi ce manque de réussite? Eh bien, je crois qu'il nous manquait une certaine technique. Et cette technique, notre ami Jacques Yonnet, auteur d'Enchantement sur Paris, la connaît mieux que quiconque. Le coup classique. Et celui-ci, un bonhomme hâve, pâle, mal habillé, mais tout de même pas en guenille. Il faut une certaine dignité apparente, du moins, vous demande le chemin pour la porte de Versailles, la porte de Montreuil. Et vous y allez à pied? Bien entendu, j'y vais à pied. Ah, eh bien, c'est par là et par là, jamais je m'y retrouverai. Le type est poli. Vous lui donnez un ticket de métro. Oh, vous êtes bien brave. Ou des tickets d'autobus, si vous en avez. C'est bien, c'est bien. Eh bien, oh, n'auriez pas une cigarette ou un mégot? Alors vous lui donnez le paquet de cigarettes ou quelque chose, et vous apercevez que c'est quelqu'un de très malheureux. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous arrive? Et alors le type vous raconte une histoire abracadabrante, une histoire très belle. Il faut qu'elle soit plausible, il faut que le type ait bien appris son rôle. Et il y a des écoles pour ça, rue Xavier Privat. C'est magnifique. Ils tiennent une solidarité extraordinaire entre eux. Ils ont des écoles d'attitude, des écoles d'intonation. Si je se rencontre, c'est crevant. Et je crois, Jacques Vionnet, que vous avez assisté vous-même à ces cours de pédagogie. Bien sûr. Évidemment, nous n'avons pas bénéficié de ces cours destinés à perfectionner l'élève dans la déchéance humaine. Et quand nous aurons écouté quelques mesures de musique d'ambiance, puisqu'il s'agit de l'éternelle rengaine sous les ponts de Paris, vous entendrez le reportage que nous avons réalisé, Février et moi, sur le parvis de Notre-Dame, et où, pour un spécialiste, je l'imagine, notre manque de technique est la seule raison pour laquelle nous n'avons recueilli que 650 francs. Tiens, voilà une dame qui sort de Notre-Dame. Pardon, madame, joyeux Noël pour les miséreux. Allez, va donc, et bouffe de la dinde. Tout ça, ça va bouffer de la dinde. Allez, on va chanter. Allez, on va chanter. Tu y es? C'est aujourd'hui dimanche. Viens, ma chérie, maman. Voici des roses blanches. Joyeux Noël, madame la charité. Mon frère est à l'hôpital, madame. Il est à ma charge, madame. Qui c'est, ton frère? Il est à ta charge? Oh. Moi, j'ai une sœur qui est à l'hôpital aussi. Pardon, monsieur, mon père est à l'hôpital. Pardon, monsieur, mon pauvre père est à l'hôpital. Mon pauvre père est à l'hôpital, monsieur. Une petite pièce pour mon pauvre père. Ah, merci, monsieur. Ah, vous n'êtes pas français, vous, monsieur? Non, je suis américain. Vous êtes américain? Oh, ça, vous êtes chouette, alors, hein, parce qu'il fait un peu froid. Oh, thank you, comme on dit chez vous, hein, thank you, Christmas. Chez son petit bougnat de la rue des Écoles, Jacques Vionnet nous indique quelle attitude nous aurions dû prendre. Sous les porches des églises, je pense à Saint-Séverin. De Notre-Dame, maintenant, je crois qu'on les refoule. Mais je pense à Saint-Séverin, Saint-Germain-l'Auxerrois et d'autres églises que je préfère ne pas citer pour ne pas priver ces gens-là de leur gagne-pain. On ne sait jamais qui peut entendre ce que je vous raconte. Prennent une attitude exactement hallucinatoire. C'est-à-dire? Ils ont des gestes saccadés, quand ils ont des gestes, ou bien ils restent rigoureusement immobiles. Dans une attitude minutieusement étudiée, il faut qu'elle soit esthétique, comme les statues. Et il faut qu'elle incite à la compassion. Des gens croyants qui viennent avec l'intention de prier ou qui sortent avec l'esprit évidemment saturé de mysticisme, ça se passe beaucoup à Saint-Julien-le-Pauvre, à Saint-Séverin, rencontrent ces personnages de tous les âges, ne savent pas qu'il s'agit d'un accoutrement très étudié, d'attitudes calquées sur celles de certaines statues. Et le réflexe veut que l'on explore sa poche et que l'on récompense les gens pour perpétuer cet univers que l'on s'est fait dans l'esprit. Et ces gens-là sont fort conscients. Alors, il y a les cyniques, surtout des femmes qui hantent Saint-Germain-des-Prés. Il y en a de très grosses. Elles se plantent devant vous. Vous êtes obligé de les écarter si vous voulez passer, si elles vous importunent. Vous les bousculez, mais d'une chiquenaude, même pas, d'un geste. Elles se cassent la figure. Elles savent tomber. Elles ameutent le quartier, c'est-à-dire trois ou quatre clochards complices qui sont à l'horizon, Voyons, il a frappé, alors que vous n'avez frappé personne. Je me souviens d'une femme qui a obstrué le tambour de chez Lip pendant un grand quart d'heure, et cette femme pesait plus de 100 kilos. C'était À votre bon cœur, une émission de Jacques Février et Tommy Franklin. Vous venez d'entendre Édition spéciale, une émission de reportage et de documents du journal Parlé. Attention, quand une année se termine, une autre n'est pas loin, c'est bien connu. Que sera-t-elle cette année 1961 ? Nous l'apprendrons bientôt grâce à cette série intitulée « C'était les années 60 ». Mais pour les impatients, voici quelques pistes grâce au reportage qui suit, diffusé évidemment le 31 décembre 1960. 1961. Eh oui, voici 1961. Et rétrospectivement, peut-on dire que l'année 1960 a été une année particulièrement fastueuse ? Non. Et non. D'ailleurs, chaque année, on a l'habitude de dire « pourvu que l'année prochaine soit meilleure ». Ce qui permet régulièrement à votre vis-à-vis de répondre « ben vous savez, tant qu'on a la santé, hein ?» Non, mais trêve de lieu commun, ce 1961 nous intrigue tous. Ah non, non, non, non, n'allez pas me dire le contraire, parce que je suis allé consulter deux voyantes célèbres et un mage, soit Lusvidi, Frédérica et Zora Pacta. Ah non, non, non, ne vous en faites pas, ça c'est rien du tout, c'est simplement la petite vitre qui sépare le studio du couloir, c'est du verre blanc, ça porte chance. Alors, qui est Lusvidi ? Eh bien, c'est la plus spirituelle et la plus charmante des voyantes de Paris. Quand on se rend chez elle, rue de l'Étoile, on a l'impression de rendre visite à une vieille amie, tant son accueil est cordial, et puis son savoir est immense. Qui est Frédérica ? Frédérica, c'est une voyante joviale, au rire éclatant, qui me rappelle un peu Elvire Popesco. Dans son cabinet de la rue Saint-Honoré, les lumières sont tamisées, et le doux reflet de l'abat-jour vous incite aux confidences et à la détente. Qui est le mage Zora Pacta ? Un petit homme simple, mais qui connaît les signes de la magie et le cœur des hommes. Il paraît d'ailleurs que les esprits bénéfiques virevoltent autour de lui dans son oratorium de la rue de Belfort, dans lequel il endort son assistante et médium, la belle Madame de Silva, comme il le veut, à volonté. Donc, en réponse à mes questions, vous entendrez chaque fois dans l'ordre Lusvidi, Frédérica et le mage Zora Pacta. Première question. L'Est et l'Ouest se rapprocheront-ils en 1961 ? Oh non, pas encore. Il y aura plusieurs essais, mais tous échoueront. L'Est et l'Ouest n'est pas encore prêt à se rapprocher, parce qu'il y a bien des événements extérieurs qui seront la cause de cette séparation qui persistera encore au moins pendant deux ou trois ans. Malgré la compréhension réciproque, il n'y a pas de rapprochement. Un homme sera-t-il envoyé dans l'espace ? Non, pas encore en 1961. Nous sommes déjà sur une bonne voie. Il y a eu des essais, malheureusement, le dernier s'est terminé par un échec chez les Russes. Mais en principe, en 61, je suis à peu près certaine qu'on allunera et c'est encore les Russes qui auront la priorité dans cet exploit. Non, il n'y aura pas d'homme vivant pour pouvoir atteindre d'autres planètes. Parlez, madame. Non, je ne vois pas d'homme vivant qui atteindra d'autres planètes. Le monde connaîtra-t-il de nouveaux cataclysmes au cours de l'année ? Le monde en général connaîtra encore, malheureusement, de trop grands cataclysmes, surtout sur mer et dans les airs. Ces cataclysmes se produiront par série. Les plus terribles seront en Amérique du Sud. De l'eau, beaucoup d'eau. Non, oui. Mais j'espère, du moins je le pense, d'après mes prémonitions personnelles, que l'Europe va être cette année épargnée. Et que des cataclysmes, des événements très graves d'ordre de perturbations atmosphériques se feront du côté du Moyen-Orient et vers le, plutôt la Sud-Amérique. En toute quiétude, il n'y aura pas de cataclysme. J'interromps ici voyantes images pour vous livrer quelques prévisions personnelles. Si certains professionnels font leur incursion dans l'avenir grâce aux cartes, ou alors la boule de cristal, ou le marc de café, moi j'ai choisi le marc de Bourgogne, et voici ce qu'il m'a révélé. En 1961, je vois beaucoup de Beaujolais dans les bars de Paris et d'ailleurs. Il y aura aussi du poisson en Bretagne. Mais la bouillabaisse se fera surtout de Marseille à Menton. Aux environs de Noël, je vois de grands magasins avec du monde, mais que font donc tous ces gens? Et l'été prochain, il y aura un nombre étonnant de voitures sur l'ensemble du réseau routier français. Va donc, hé patate, hé ta sœur, mais non, c'est faux, car désormais, chaque automobiliste sera le frère de l'autre. Oh, et je vois Longchamp, et je vois Auteuil. Esprit de l'air, vite, vite, vite, le numéro du tiercé. 3, 6, 7, 12, 4, 2. Quoi ? 4, 7, 6, 12, 12, 2, 7. Bon, eh bien, puisque les esprits sont embrouillés, revenons à Lusvidi, Frédérica et Zora Pacta. Les savants feront-ils de grandes découvertes en 1961? Ah, il y aura des découvertes sensationnelles dans les progrès que feront les savants. Il y aura d'abord des progrès pour les greffes et pour l'esthétique, les visages féminins seront embellis par la science. Un remède sensationnel sera trouvé contre le rhumatisme. Ah, toujours le cancer en tête. Je le désire ardemment et je sens que l'on va parler d'une façon très convaincante pour l'année 61. Il y aura déjà des preuves de certaines guérisons, mais ce seront des savants étrangers plutôt que je vois. La tuberculose est en voie de régression. La poliomyélite est stationnaire. Le cancer est en diminution, grâce tout de même à des découvertes médicales qui sont en amélioration. Enfin, la France s'illustrera-t-elle? Et si oui, par quoi? La France s'illustrera par un groupe d'écrivains français qui feront entendre leur voix. La France, à ce moment-là, occupera la place qu'elle mérite dans le monde. La France est illustrée, elle sera illustrée comme elle l'a toujours été. Son prestige, dans le monde entier, elle ne le perdra jamais. Par la bonté et la justice qui triompheront grâce aux hommes de bien. Ainsi, vrai ou pas vrai, à vous de croire ou de railler, vous savez maintenant, il me semble, bien des choses sur une année que je vous souhaite hautement bénéfique à tout point de vue. Quant à moi, il me reste à descendre sur les Champs-Élysées pour acheter un billet de la loterie, mais un billet qui se termine par 61, naturellement. C'était les années 60. Aujourd'hui, 1960, quatrième émission. Archivina, Hervé Evano. Réalisation, Virginie Mourté. Une émission de Philippe Garbi. À suivre.